Vous écoutez Culte, le podcast culturel. Aujourd'hui, Kanye West. Le rappeur, le directeur artistique, le businessman, je vais vous présenter celui qu'on ne présente plus. Mais je vais surtout vous raconter ses débuts et comment il est arrivé au sommet. Kanye West est né à Atlanta en 1977, mais a grandi à Chicago, où il s'est rapidement installé avec sa mère Donda, qui était professeur d'anglais à l'université. C'était donc un enfant de la middle class, plutôt bon à l'école. En tout cas pas un mec du ghetto, et Dieu sait qu'il y en a à Chicago. Très jeune, il tombe amoureux du rap. Il se lance dans l'écriture et dans la composition musicale. Il s'implique dans la culture hip-hop de sa ville et fréquente l'école d'art de Chicago. Mais rapidement, il abandonne définitivement l'université pour se consacrer pleinement à son art. On est à la fin des années 90. Jeune Kanye fait ses gammes en freestylant dans les disquaires de Chicago. C'est un backpacker, un rappeur proche des valeurs originelles du hip-hop, loin du gangsta rap qui cartonne déjà à l'époque. Il commence à vendre ses instrus aux rappeurs de la ville et à les envoyer à droite à gauche pour se faire connaître. Il persévère et ses prods finissent par arriver jusqu'à Rockefeller, le label fondé par Jay-Z et ses deux associés, un des plus en vue de l'époque. Jay-Z était déjà au sommet et cherchait de nouveaux beatmakers. Il signe donc le jeune Kanye en tant que producteur. Il se met à produire pour les plus grands artistes, entre autres Alicia Keys, Janet Jackson, Mos Def et bien sûr Jay-Z. Mais Kanye a de l'ambition, souhaite rapper et devenir un artiste à part entière du label. Mais le jeune de la middle class n'est pas vraiment pris au sérieux. Il n'était pas comme les autres. Le rap était ghetto et lui jouait le bourgeois. Il finit quand même par convaincre deux des trois boss du label de sortir un album solo, même si Jay-Z n'est toujours pas convaincu. Pendant l'enregistrement, il y a un accident de voiture qui lui brise gravement la mâchoire. Il a de nombreux points de suture et n'arrive plus à s'exprimer correctement. Il décide quand même de continuer son album et enregistre le titre Throw the Wire avec des problèmes d'élocution. Et c'est le single qu'il décide de sortir en premier pour tester ce nouvel artiste auprès du public. C'est un succès immédiat qui crée directement une attente pour son premier album, The College Dropout. Dans cet album, c'est une image de loser qu'il met en avant, autant dans le titre que sur la pochette. On a déjà affaire à un artiste très contradictoire, car à l'inverse, en interview et sur certains morceaux, il est déjà totalement égocentrique. Il impose rapidement sa marque et son style dans le rap US. L'album est un carton, et il remporte de nombreuses distinctions. Mais il n'est pas nommé pour l'album de l'année des American Music Awards. Il râle dans la presse, se demande comment elles ont osé. Ses sorties ne passent pas inaperçues. Un an plus tard, il sort son deuxième album, sans changer la recette par rapport au premier. C'est aussi un carton, et on le retrouve donc à la cérémonie des American Music Awards l'année suivante. Cette fois-ci, il gagne le prix du meilleur album. Il monte sur scène énervé, prend le micro et déclare « Vous vous demandez ce que j'aurais dit si j'avais pas gagné, hein ? Bah vous saurez jamais, parce que j'ai gagné. » Et il part. Sa grande gueule et son sens du marketing sont déjà là. À la suite de cet album, il enchaîne une tournée mondiale. Mais sans le savoir, elle marquera un tournant dans sa vie. La veille de son concert à Paris, sa mère décède des suites d'une opération de chirurgie esthétique. Il sera tout de même sur scène le lendemain pour faire le show, mais s'effondrera en interprétant Hey Mama. À la suite de cette tournée, il se réfugie dans le travail pour préparer son troisième album, qui sera Graduation, Avant la sortie de celui-ci, il envoie le single Stronger avec les Daft Punk. Et là, c'est un raz-de-marée mondial qui le propulse directement dans une autre dimension. Il invente un rap fashion, musical, porté par les ambassadeurs de la French Touch. À cette époque, un autre rappeur est au sommet, c'est 50 Cent. Celui-ci souhaite créer un buzz avant la sortie de son album. Il commence à attaquer Kanye West dans la presse en disant qu'il allait sortir son album le même jour que lui et qu'il allait l'écraser en termes de vente. Il promet même d'arrêter sa carrière s'il vend moins d'albums que lui en première semaine. Le clash prend et le buzz monte. Ils organisent même un face-à-face dans une émission la veille de la sortie de l'album. Marketingement, c'est très fort. Il divise l'Amérique en deux. Mais Kanye West est trop fort pour lui. Il vend presque 1 million d'albums en première semaine, il écrase tout et est au sommet. Depuis, Kanye est peut-être un des artistes les plus influents de sa génération. Tout ce qui le concerne devient un phénomène. Ses albums, sa marque de vêtements, ses sneakers, son couple et même ses sorties politiques. Et la phrase qui résume peut-être le mieux Kanye aujourd'hui est de Kanye lui-même. « I love you like Kanye loves Kanye. » Culte.